Alors, tantôt, j'ai un texte que j'ai lu. La prière de Anne, c'est écrit, il disait, le faible a la force pour ceinture. Et moi, j'ai pris cette parole. Merci, Seigneur. Alors, chapitre 12, on va lire à partir du verset 14. Voici, je suis prêt à aller chez vous pour la troisième fois et je ne vous serai pas à charge, car je ne cherche pas ce qui est à vous, mais vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents à amasser pour leurs enfants. Pour moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dussé-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous? Soit, je n'ai pas été un fardeau pour vous, mais en homme fourbe, je vous aurais pris par ruse. Vous ai-je exploité par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai exhorté Tite à aller chez vous et avec lui j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite vous a exploité? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous défendons auprès de vous. C'est devant Dieu, en Christ, que nous parlons, et tout cela, bien-aimé, pour votre édification. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains qu'il n'y ait de la discorde, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des racontars, de l'orgueil, des désordres. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'inconduite et du dérèglement qu'ils ont pratiqué. Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute affaire se réglera sous la déclaration de deux ou de trois témoins. Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, je l'ai déjà dit, et aujourd'hui que je suis absent, je l'ai dit encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres. Si je retourne chez vous, je n'épargnerai personne, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Car il a été crucifié en raison de sa faiblesse, mais il vit en raison de la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui. Mais nous vivrons avec lui pour vous en raison de la puissance de Dieu ou pour agir envers vous, dépendamment de la traduction que vous avez. La semaine passée, on a fait référence, François en priant, entre autres. Gilles, à travers le texte dans Juges, chapitre 11, avec, entre autres, Jephté, et en tant que chef d'Israël, juge que Dieu a établi sur Israël, ce que j'en retirais, c'était vraiment l'idée d'être ensemble pour combattre le même ennemi. Et ça, Gilles, c'est ce qu'il a voulu, je crois, apporter, nous faire retenir. Qu'on soit ensemble pour combattre le même ennemi. Pas se tirailler entre nous, pas se haïr entre nous, mais combattre l'ennemi. Et notre ennemi commun, c'est Satan, le diable. Et à travers le texte de 2 Corinthiens 12, c'est ce qu'il a fait, ce qu'il a soulevé en parallèle, c'était que ce que Paul, Tite, Timothée et tous les compagnons de l'équipe apostolique, ce qu'ils vivaient par rapport à Corinthe, c'était similaire à ce que Jephté a vécu par rapport aux Éphraïmites, qui, eux, quand Jephté avait, Dieu lui a donné la victoire, à lui Israël, Les Éphraïmites ont dit, tu nous as pas appelés pour nous aider, pour qu'on aille t'aider. On va te brûler. C'est ça la réponse. Tu nous as pas appelés pour t'aider, ben on va te brûler d'abord. Et c'était insensé comme réflexion, mais en même temps, derrière ça, il y avait cette puissance-là de l'ennemi qui agissait à travers. Et puis Gilles a fait sortir cette amertume-là qui était probablement dans le cœur d'Éphraïm. Le peuple. Mais ici, dans l'église de Corinthe, c'est un peu ça. C'est ce que notre frère faisait ressortir. Il y a à l'égard de Paul, de Tite et des autres frères, cette espèce de ne prennent intention. Ça, on l'a vu tout au long, hein. C'est pas nouveau, hein. Il y avait un point de ralliement, par contre, la semaine passée. Et cette semaine, j'aimerais ça regarder avec vous particulièrement ce que François a prié sans savoir tantôt. C'est que quand nos enfants sont abusés, ça vient chercher profondément les parents. Et c'est ça un peu ce qu'on va regarder aujourd'hui à travers le texte. Verset 14, « Voici, je suis prêt à aller chez vous pour la troisième fois et je ne vous serai pas à charge, car je ne cherche pas ce qui est à vous, mais vous-même. » Ce que Paul déclare ici, c'est fondamental. Ce qu'il recherche, ce ne sont pas les biens des Corinthiens, mais eux-mêmes, leur personne. Et comme on l'a déjà dit en cours de route, il s'est forcé volontairement, il a refusé d'obtenir quelque aide financière que ce soit de la part de Corinthe, pour qu'il n'y ait pas de prétexte qui soit donné à ceux qui sont contre Paul, Tite, etc. Pas leur donner de prétexte pour dire, pour les rabaisser, pour donner des arguments valables pour dire qu'ils ont profité de l'Église. Pas que Dieu donne pas le droit, mais Corinthe, où elle était rendue dans sa maturité en tant que corps, n'était pas prête à absorber cette vérité-là. Elle n'était pas prête, Corinthe, l'Église, à mettre en pratique sans être abusée, sans se faire tromper. Et Paul leur dit, ce que je cherche, je ne cherche pas ce qui est à vous. C'est pas vos biens, c'est pas tout ce qui est autour de vous, mais c'est vous. Et ce matin, on regardait le cantique, des cantiques, et ce qui nous touchait, entre autres, c'est que le bien-aimé, le Seigneur, dans le cantique des cantiques, quand il regarde sa bien-aimée, il l'admire, elle. Il parle d'elle. C'est elle qui attire son attention. Son corps, en détail. C'est fatigant, mais pas fatigant, mais ça nous déstabilise des fois. On est mal à l'aise. Il parle de son corps, de ses seins, de ses lèvres, ses joues, son ventre. Il parle pas d'autre chose qu'elle, comment elle est faite. Il l'admire. Et dans chapitre 11, quand Paul dit à Corinthe et à nous, d'accord? C'est l'Esprit de Dieu qui nous le dit. Verset 2, 11-2, « Je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu. » Ça veut dire que c'est Dieu qui est jaloux à travers moi dans ce que je vous écris. Dieu est jaloux à travers moi dans ce que je suis en train de vous dire. Rappelez-vous dans Jacques, Dieu chérit l'Esprit qui l'a fait habiter en nous. Il dit, « Car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » C'est ce qui anime son cœur depuis le début. Alors, c'est pas étonnant qu'arrivé à la semaine passée, quand le Seigneur nous ramène, c'était comme un rapatriement des forces, là, regardez là. Là, on combat le même ennemi, là. Okay, ne faisons pas comme Éphraïm. Ne faisons pas comme Corinthe dans ces moments de séduction, de tromperie, là. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. On en a parlé un petit peu. Mais il y a quelque chose de fondamental dans 1 Corinthiens qu'il ne faut pas passer à côté et qui anime encore le cœur de Paul, animé par l'Esprit de Dieu. Puis dans 1 Corinthiens chapitre 4, j'aime ça le regarder avec vous. Il affirme dans 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 14. « Il vient de dire comment ils sont vus de la part du monde, les apôtres, entre autres, et ce qu'ils vivent, et qu'ils expérimentent de la part de ce monde. Et il dit, verset 14, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela. Parce qu'il vient de dire que nous, apôtres, nous sommes devenus les balayeurs du monde. Okay? Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Donc, s'il dit dans 1 Corinthiens, il le pense aussi dans 2 Corinthiens, on est d'accord? Mais il dit, en effet, quand vous auriez 10 000 précepteurs en Christ, c'est 10 000 pédagogues, professeurs, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Ça va avec ce qui le chapitre fin de chapitre 12 et début 13 qu'on va regarder. Il dit, quand bien même que vous auriez 10 000 précepteurs pour vous enseigner là en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. C'est moi qui vous ai engendré par l'Évangile, qui vous ai engendré en Jésus-Christ. Je vous ai mis au monde. Je vous ai fait naître en Christ par l'Évangile que je vous ai annoncé. Et dans ce sens-là, il se trouve à être un père pour Corinthe, pour les Corinthiens. Parce que Dieu l'a utilisé pour les mettre au monde. Et dans ce sens-là, la relation qu'il a avec les disciples, l'Église, c'est comme celle d'un père avec ses enfants. C'est pas une belle relation, ça? Et du fait même que ça, c'est ce qui est dans son cœur, quand l'Église, les enfants, comme priait François, sont abusés, ça donne un méchant coup au Père. Et pour nous, parce que Paul y est mort, t'es avec le Seigneur, pour nous, ça s'applique toujours, hein? Parce que nous, notre Père, il est vivant. Et en même temps, le Père, il est affligé par ce que ses enfants vivent. Il était là et il l'est encore. Mais la relation qu'il a, et c'est pour ça quand il dit au verset 14, je ne vous serai pas à charge, car je ne cherche pas ce qui est à vous, mais vous-même. Il dit, ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Encore là, c'est la relation parent-enfant. Chez nous, c'est moi et Manon qui prenons soin de nos enfants. C'est nous qui nous occupons d'eux. C'est nous qui amassons pour eux. C'est nous qui faisons le nécessaire pour les garder en vie. En les nourrissant. C'est Dieu qui les préserve. Préserve leur âme. Quand il arrive au verset 19, et il dit, vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous défendons auprès de vous. C'est devant Dieu en Christ que nous parlons, et tout cela, bien-aimés, pour votre édification, car je crains de vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. J'ai peur qu'en arrivant, je vous trouve pas comme j'aimerais vous trouver. J'ai peur qu'en arrivant, qu'il y ait de la discorde, de la jalousie, etc. J'ai peur, verset 21, qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet. Le désordre parmi eux, et là il dit, plus, il est plus précis là, « Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'inconduite et du dérèglement qu'ils ont pratiqué. » Il craint d'arriver, d'être humilié. Une des raisons pour ça, c'est que quand on est dans le chapitre au début de 2 Corinthiens, au verset 12, chapitre 1, verset 12, il dit, car notre sujet de gloire, c'est le témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec une sainteté et une sincérité qui viennent de Dieu, non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et reconnaissez. J'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin, comme vous avez déjà reconnu en partie, que nous sommes votre sujet de gloire et vous le nôtre, au jour de notre Seigneur Jésus. C'est la même lettre, là. Et quand Jean-Claude avait prêché dans 2 Corinthiens 8 par rapport à la collecte, rappelez-vous, il y avait quelque chose qui avait été initié par les Corinthiens, un désir d'aider les frères de la Judée. Et ça avait été dit de la part de Paul et des autres, ça avait été dit aux autres églises, le témoignage de l'Église avait été répandu. Et là, il entend des choses, et là, l'Église soupçonne du mal, l'Évangile est freiné, et tout ce qu'on a vu à date là, dans 2 Corinthiens, sans tout le résumer, là, on est passé au travers, ça fait plusieurs semaines. Sa crainte, c'est d'être humilié en arrivant. Humilié parce que ceux qui ont péché précédemment ne se seraient pas repentis. Ça, parce que eux sont sa gloire. Et il est la leur. Quand on regarde le psaume, le proverbe 27, qui parle de la relation père-enfant, entre autres, je me rappelle pas quel psaume aussi parle que le père sont la gloire et la gloire de ses enfants. OK? Les proverbes. Le proverbe 27, verset 11, c'est écrit « Mon fils, sois sage et réjouis mon cœur, et je pourrai répondre à celui qui me déshonore. » L'inverse de ça, c'est que si tu n'es pas sage et que tu ne réjouis pas mon cœur, c'est moi qui ai humilié. C'est moi qui ai outragé. C'est moi qui ai déshonoré. Mais si mon fils, tu es sage, et tu réjouis mon cœur, moi, je vais pouvoir répondre à ceux qui me déshonorent. Je vais avoir de l'assurance en tant que père devant ceux qui me déshonorent. Par la fierté de voir mes enfants marcher dans la vérité. La fierté de voir mes enfants sages qui réjouissent mon cœur. Et c'est comme ce que Dieu dit dans 3 Jean. Je n'ai pas de plus grande joie, et ça, prenons-le pour du cash. Je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre dire de mes enfants qu'ils marchent dans la vérité. 3 Jean, verset 4. Fait que si l'apôtre Jean écrit ça, c'est que c'est l'Esprit qui l'anime, c'est Dieu qui lui dit. Donc Dieu, la joie qu'il a, la plus grande joie qu'il a, c'est d'entendre dire que ses enfants marchent dans la vérité. C'est ça qu'il réjouit profondément. Oui, Benoît. Proverbe 17, 6. Proverbe 17, 6, les petits-fils, c'est ça, sont la couronne des vieillards, ou les petits, tout ça, et les pères sont la gloire de leurs fils. Donc, c'est réciproque, hein? Proverbe 17, 6, les pères sont la gloire de leurs fils. Et avec raison, dans le fond, tu sais, cette expression-là qu'on dit, qu'on entend souvent, mon père c'est plus fort, qu'on est plus petit, cette fierté-là, de mon père, c'est quelqu'un, mon père. Mais c'est la même fierté qu'on peut avoir en nous à l'égard de Dieu. Si Dieu est mon père. Mon père. Je veux l'honorer. Nous voulons l'honorer. Vraiment honorer notre père. Moi, ce qui me touche profondément, là, c'est sa grâce. Il est tellement gracieux. C'en est, renversant, je le dirais. C'en est renversant. C'en est étreignant, vraiment. Quand, là où je devrais être puni, là où je mériterais la colère, j'expérimente la grâce. Et l'effet de ça dans ma vie, c'est de communiquer la grâce aux autres. C'est écrit que Dieu, dans le psaume 130, que s'il comptait nos péchés, personne ne pourrait subsister. Mais il dit que le pardon se trouve auprès de lui afin qu'on le craigne. Mais le pardon est auprès de lui. Et c'est là que l'Esprit de Dieu cherche à attirer le cœur de l'Église de Corinthe et évidemment notre cœur aussi, là. Il veut attirer notre cœur là où c'est nécessaire à la repentance et à la foi. On l'a regardé il y a quelques semaines, le prix que Christ lui-même a souffert à payer. Là où moi, je me retire en arrière pour pas subir une certaine souffrance par crainte, poule mouillée, okay, une poule mouillée, Christ, lui, ne s'est pas retiré en arrière. Lui, il n'est pas une poule mouillée. Lui, il a livré sa vie. Et on avait vu ce que, entre autres, Paul avait souffert. C'était exprimé dans chapitre 12, entre autres, mais avant aussi, chapitre 11 et avant ça. Et on a vu comment c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, les privations, les persécutions, les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et c'est là qu'à travers son expérience qu'il vit, lui, avec le Seigneur, l'Esprit de Dieu veut emmener l'Église aussi. Il y a ce mensonge-là à travers l'Épître, on le découvre, dans ce que Paul et Timothée disent à l'Église de Corinthe, comme si, à travers la lettre, Paul, particulièrement, cherchait à, comme il dit, à lui-même se recommander, comme s'il cherchait lui-même à prouver qu'il est bon, comme s'il cherchait à faire ça, à se défendre. Mais c'est pas ça qu'il fait. C'est ce qu'il dit au verset 19. Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous défendons auprès de vous. C'est pas ça qu'on est en train de faire. Nous ne sommes pas en train de nous défendre auprès de vous. C'est pas ça. Mais le mensonge dans l'Église, et on le déduit verset 3 du chapitre 13, « Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi. » Donc, il y a quelque chose en cours de route, et ça on l'avait vu dans les premiers chapitres, qui dit que c'est même pas Christ qui parle à travers lui, là, que c'est même plus la parole de Dieu qui est dite. Voyez-vous à quel point c'est humiliant, à quel point c'est dérangeant, à quel point c'est vraiment une attaque. Donc, si notre sœur Leslie est abusée de quelque manière, là, elle tremble et que ça affecte ses parents, quand l'Église, et ça nous affecte, là, quand l'Église de Corinthe est abusée, ça affecte Paul qui a engendré l'Église par l'annonce de l'Évangile. Je serais insensé que si quelque chose arrive à Sophie, à Anne ou à Emmanuel, que ça ne m'affecte pas. Quelle sorte de père je serais? Je ne serais même pas digne d'être appelé un père. Et j'aurais un droit légitime et j'aurais la nécessité de souffrir. Ce sont mes enfants. C'est mes enfants. Le psaume 127 ressemble à la lettre de 2 Corinthiens. L'appel, en tout cas, du psaume 127 ressemble à ce qui est écrit dans 2 Corinthiens. Parce qu'il y a quelques semaines, on avait fait ressortir le fait qu'il y a, bien, c'est écrit là, qu'il y a des faux apôtres, il y a des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtre de Christ, qui sont animés par Satan, qui lui-même se déguise en ange de lumière, que ce n'est pas étonnant que que ces ministres se déguisent en ouvriers de la justice alors qu'ils sont ouvriers de l'injustice. Psaume 127, c'est écrit, « Si l'Éternel, c'est le Seigneur, si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Et transposez ça là à la maison de Dieu, l'Église, nous. « Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » C'est pas ça qu'il exprime. Je crains qu'à mon arrivée, je sois humilié de nouveau. Je crains d'avoir travaillé en vain. Parce que si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. C'est vain, là. En vain, vous vous levez tôt le matin. En vain, vous vous couchez tard. Et en vain, vous mangez le pain de douleur. Pourquoi le pain de douleur? Parce que si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. Vous souffrez pour rien. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Ça, c'est la provision de Dieu sur ses bien-aimés, ceux qui l'aiment, pendant leur sommeil. Ils sont pas en train de travailler, là. Dieu fait croître. Dieu fait fructifier. Dieu donne. Voici que des fils ont un héritage de l'Éternel. Quand bien même vous auriez 10 000 précepteurs en Christ, vous n'avez qu'un seul Père, parce que c'est moi qui vous ai engendré en Christ par l'Évangile que je vous ai annoncé. Ce qui dit Paul, 1 Corinthiens chapitre 4. Les fils ont un héritage de l'Éternel. Vous êtes ma gloire. Vous êtes notre héritage. C'est ça qu'il dit à Corinthe. Le fruit des entrailles est une récompense. Vous êtes notre récompense. Si c'est vrai pour mes enfants, c'est vrai pour mes enfants selon le Seigneur. C'est vrai tout le temps. Comme les flèches dans la main d'un héros, ainsi sont les fils de la jeunesse. Sois sage, réjouis mon cœur, et je pourrai répondre à celui qui me déshonore. Comme les flèches dans la main d'un héros, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils n'auront pas honte quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Sois sage, réjouis mon cœur, et je pourrai répondre à celui qui me déshonore. Ils n'auront pas honte quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Il y a un parallèle, là. Je crains que mon Dieu ne m'humilie. Voyez-vous tous les liens? C'est la maison de Dieu. Et Gilles avait soulevé à un moment donné, dans un des enseignements, pourquoi il leur parle comme ça? Pourquoi il se dénude? Pourquoi il se met à nu dans la lettre? Pourquoi il s'humilie même jusqu'à montrer ses manquements? À Damas, au début là, de sa vie avec le Seigneur, à Damas, il sort par une corbeille, il montre sa vulnérabilité. Il avait demandé pourquoi. Vous rappelez-vous pourquoi? Avez-vous une idée? C'est parce qu'il les aime. Parce qu'il les aime profondément. C'est juste pour ça. Il les aime profondément. Au point d'être moins aimé, même s'il les aimait plus. Il les aimait davantage, même s'il les aimait moins, il va continuer à les aimer. Il va se dépenser. Pourquoi? Verset 14 du chapitre 12. Car je ne cherche pas ce qui est à vous, mais vous-même. J'aimerais vous montrer un parallèle. Dans Genèse, chapitre 14. Je crois qu'il y a un parallèle qu'on peut faire, là. Si je prends ce que je viens de dire ici ce matin, puis avec ce que Gilles avait dit la semaine passée, il y a un parallèle dans Genèse, chapitre 14. Abraham, vous vous rappelez que Lot est allé vers Sodome et Gomorre, OK? Il demeurait là. Et puis là, tout à coup, un beau jour, dans chapitre 14, il y a une guerre, quatre rois contre 5 rois. Et parmi ces rois, il y a le roi de Sodome. Et le roi de Sodome, il fait partie de ceux qui ont perdu la guerre. Et là, chapitre 13, un rescapé vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci demeurait au chêne de Mamré l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Donc, on vient annoncer ce qui est écrit au verset 12, un petit peu avant, j'aurais dû lire un petit peu avant. Verset 11, d'accord, pour pas vous perdre. « Les vainqueurs prirent tous les biens de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions, puis ils s'en allèrent. Ils prirent aussi avec ses biens Lot, fils du père d'Abraham, et ils s'en allèrent. Lot habitait à Sodome. » Donc, quelqu'un vient, le dit à Abraham, que Lot a été pris. Verset 14, « Dès qu'Abraham eut appris que son neveu avait été capturé, ou son frère, je pense que ça dit dans d'autres versions, même famille, hein, avait été capturé, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est au nord de Damas. Il ramena tous les biens, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Okay? Faites le parallèle avec ce que j'ai apporté la semaine passée, contrairement aux Éphraïm, en fait, comme Jephthé un peu, Abraham apprend tout de suite que son frère, Lot, a été pris. Tout de suite, convoque ses braves hommes, 318, et monte. Et Dieu lui donne la victoire. Verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Ouais. Abraham est là dans la vallée du roi, OK? Il y a un roi, le roi de Sodome, qui vient à sa rencontre. Verset 18. Melchisédek, roi de Salem, qui veut dire roi de paix, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Donc, dans la vallée du roi, il y a le roi de Sodome qui vient vers Abraham, mais il y a entre-temps le Melchisédek qui vient et qui lui parle. Et bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » Béni soit le Dieu très haut, qui a livré les adversaires entre tes mains, ou ses ennemis. D'accord? Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les âmes, ou donne-moi les personnes, si vous préférez, et prends pour toi les biens. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni une bride de sandales, pour que tu ne puisses pas dire « J'ai enrichi Abraham ». Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui sont allés avec moi, Aner, Eshcol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Abraham va, gagne contre les rois, prend Lot, c'est ceux qui lui appartiennent, et avec ses biens, le peuple, les femmes. Dans la vallée, il y a deux rois dans la même vallée, la vallée du roi. Puis il y a deux discours, deux choses qui sont présentées à Abraham. Okay? Et deux choses qu'on a opposées. Il y a le roi Melchisédek, et vous savez que c'est un type de Christ. Dans l'hébreu, on l'avait déjà vu. Okay? Mais lui, c'est le sacrificateur du Dieu très haut, là, Melchisédek. Et bénit Abraham, et l'effet dans le cœur d'Abraham, c'est il lui donne la dîme de tout. Une offrande à Dieu. Mais Melchisédek, il vient de dire, l'Éternel t'a donné, a livré les adversaires entre tes mains. Et ça, c'est venu faire quelque chose dans le cœur d'Abraham. C'est venu sceller une parole de Dieu. Il venait d'être béni. Quand le roi de Sodome, il vient, lui, il dit à Abraham, donne-moi les personnes et garde les biens. Abraham a dit un peu comme Paul. Il dit, ce ne sont pas les biens qu'ils recherchent, mais les personnes. Le combat est un peu similaire. Abraham ici, il veut pas permettre à Sodome, qui est l'ennemi en réalité là, de dire j'ai enrichi Abraham. Et si Paul avait manqué de sagesse à l'égard de Corinthe et bénéficié de leur argent, ceux qui sont là au sein de l'Église auraient pu dire, vous avez enrichi Paul, regardez comment il vous traite. Il aurait pu dire ça. D'une manière ou d'une autre, ça aurait été un prétexte pour l'ennemi pour discréditer l'œuvre de Dieu. Et là, Dieu a donné la sagesse à Abraham. Il l'a béni. Dans la même vallée, il y avait deux rois. Un a écouté et l'autre n'a pas écouté. Et ce qui a soutenu Abraham, c'est ce qu'il a entendu de la part de Dieu. C'est ça je veux dire. Ce qu'il a entendu de la part de Dieu, de la part de la bouche de Melchisédek, là, ça l'a soutenu pour ce qui allait se présenter après, par la bouche du roi de Sodome. Je sais pas si je vous ai... Vous êtes toujours avec moi, là? Ça va? Mais dans 2 Corinthiens, c'est pareil. Ce que Paul a eu comme révélation, qu'on a vu il y a quelques semaines, ce que Dieu a fait à travers ses mains, ça le soutient devant l'adversité. Ça soutient sa foi devant l'adversité, devant l'opposition qu'il reçoit de la part de l'ennemi, mais à travers Corinthe. Je pense que c'est ça. Je vais arrêter ici. Ça va permettre peut-être d'échanger un peu entre nous. Alors, Gilles, je te laisse la parole.